Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un Floodcast un peu particulier pour fêter la sortie d'un album de bande dessinée sur lequel nous travaillons avec mes différents invités d'aujourd'hui depuis environ 3 ans à peu près. Non. Peut-être même plus. Ah si, ouais. Ouais, 3 ans. C'est Oli et l'Alien qui sort donc le 16 septembre aux éditions Delcourt dans la collection Une case en moins. Une émission particulière déjà parce qu'il n'y a pas Adrien Méniel vu que bon, il n'a rien à voir avec cette BD, si ce n'est qu'il apparaît au détour d'une case. On ne dira pas quand, on ne dira pas où, mais j'en dirai pas plus. Donc l'émission va un peu se diviser en deux. On va d'abord vous parler un peu de la BD, sans spoiler évidemment. Et très vite, on passera à ce qui, je pense, vous intéresse le plus, à savoir, dis donc, comment qu'on fait une BD. Je ne suis pas tout seul, comme je le disais, je suis accompagné de deux invités. Il est dessinateur coloriste, il a adapté la série de romans Cherub pour Casterman. Il est aussi le dessinateur de Ballade, édité chez Grand Angle. Mais bon, on va éviter de faire trop la promo de ses autres BD, parce qu'on aimerait bien vendre beaucoup de Oli et l'Alien. C'est David Combet. Bonjour. Salut. On est que deux, c'est un peu triste d'applaudir. On prend quand même. Je t'ai accompagné. Mais on va quand même le faire. Scénariste okay. De BD, de séries, de films, comédien, réalisateur, dessinateur, animateur et donc directeur de collection. Vous l'avez compris, c'est une énorme feignasse. C'est Davy Mourier. Merci. Donc oui, alors Oli et l'Alien. Pour vous en parler un petit peu plus, donc je vais d'abord peut-être la résumer, cette BD, pour vous dire ce que ça raconte. Oli est un enfant et il fait une rencontre du troisième type, on pourrait dire, puisqu'il rencontre un extraterrestre. Et dans la forêt de Los Angeles, et ils se tiennent la main. Et de ce contact, il y a un grand faisceau lumineux qui part, l'alien prend peur, il se barre. Et on retrouve ce jeune enfant 30 ans plus tard à peu près. Et c'est devenu un peu un loser, un peu un branleur. Et il apprend à la télévision que les extraterrestres débarquent dans le désert du Nevada et qu'ils sont pas contents puisque l'un des leurs a été fécondé par un humain il y a des années, puisque chez les aliens, ça ne se fait pas comme chez nous, à savoir de façon un peu vénère. Ça se fait simplement en se touchant la main. Et de là, par l'histoire, puisque est-ce que cet humain sera au niveau pour la tâche qui lui incombe, à savoir... être plutôt quelqu'un de bien avec cet extraterrestre et potentiellement un bon père. Voilà, ça va, j'en ai pas trop dit. Non. C'est difficile d'avance que ça arrive au début de la BD, mais je pense que c'est là que ça devient intéressant. Donc, David, toi, tu es arrivé sur la BD très tôt. En gros, pour expliquer un peu comment ça s'est passé, c'est Marion, à l'époque, Amir Gagnant, qui est venu, qui m'a parlé de toi. Puisque moi, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Davy, on avait parlé cette bande dessinée. Là, t'es dans le désordre un peu. Je suis dans le désordre, mais c'est pour présenter, présenter David. Très bien. C'est que il y avait déjà l'idée de la bande dessinée, de l'histoire. J'en avais parlé à Davy, et Davy pensait que c'était une bonne histoire, mais on n'avait pas de dessinateur encore, on ne savait pas. Et c'est Marion qui nous a parlé de toi, parce que moi, j'ai zéro connaissance en bande dessinée. Et donc la rencontre s'est faite comme ça. Comment elle t'en a parlé, elle, de cette BD? Comment c'est venu à toi? C'était pendant une soirée entre auteurs qu'on faisait à Lyon, dans une librairie. C'était chez Expérience? C'était chez Expérience, ouais, l'espèce de soirée Delcourt avec les auteurs, tout ça. Et juste, elle m'a dit qu'elle avait un projet à me proposer, elle m'a pitché l'histoire et... Et t'as kiffé? Et j'ai kiffé. Bon, tant mieux. C'était horrible de me l'apprendre. Tu connaissais Flo? Pas du tout. Moi j'ai une culture YouTube, internet, tout ça qui est très faible. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que l'histoire t'a plu sans. Oui, sans Laura. Sans autre artifice. Avait, oui, oui. Ouais. Laura. Oh, non, mais tant mieux. Ingalls. Cette BD, en gros, c'est une comédie d'aventure, on pourrait dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'en parle aux gens. C'est un film hollywoodien. Ouais, en bande dessinée. Ouais. Mais avec beaucoup de blagues quand même. Oui, c'est quand même une comédie. Bien sûr, mais c'est très cher. Enfin, ouais. Ça serait un long métrage, ça serait trop cher pour la France. Mais d'ailleurs, on peut le dire. Alors, comment moi j'ai eu l'idée de cette bande dessinée? Je me souviens, c'était donc il y a très longtemps. C'est une histoire qui me trotte depuis pas mal d'années. C'était au moment d'écrire pour le Tour du Bagel, donc l'émission de Canal+, où on faisait des sketchs bagel pour Canal. En gros, chaque émission avait un thème. Donc il y avait les sketchs dans la forêt, les sketchs à l'université et les sketchs dans l'espace. Donc à chaque fois en début de réunion, Axel Malivernet, directeur d'écriture à l'époque, disait réfléchissez à des pitchs de sketchs. Et j'ai une idée toute con qui est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais c'est Independence Day. Genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais au lieu que ce soit clavier, c'est un alien. Et tu dis, bah, je sors. Et l'alien montre avec qui elle sort, et c'est un humain. Et du coup, cocasse, machin et tout. Et je me dis, bon, déjà, c'est trop cher pour un sketch bagel. C'est trop cher pour un film, comme tu dis, un film français. Donc, évidemment, pour un sketch bagel aussi. Et je me dis, ah, je crois qu'il y a un peu plus à raconter que juste un sketch de 3-4 minutes où il y aurait que des blagues. Et je me dis, ah, il y a peut-être moyen de parler de choses. Et en même temps, je me dis, pour un film, ce sera trop cher. Mais quand même, je me le mets de côté. Et c'est en allant voir ton spectacle, je me souviens, anecdote, au Sentier des Halles, on boit un coup avec Davy après le spectacle et on discute un peu de nos différents projets, comme on fait souvent. Et je te parle de ça comme ça. Et c'est marrant parce qu'en lui disant, je me dis, ah mais putain, je suis trop con, est-ce que tu venais de. Je me demande si c'était même pas encore. C'était déjà lancé. Non, la collection allait se lancer. Je savais qu'on allait me laisser les clés pour pouvoir éditer des gens. Voilà, puisque, alors aussi pour expliquer, je fais une mini parenthèse, la collection Une Case en Moins, c'est ta collection de bandes dessinées chez Delcourt. C'est ça. C'est-à-dire, alors que c'est quoi chef de collection? C'est en gros, tu démarches des auteurs, C'est ça. En gros, souvent, quand tu fais une collection, on te demande ton thème. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas apporter à la bande dessinée, en gros. Et donc, moi, mon idée, c'était d'amener à la bande dessinée des gens qui n'auraient pas fait de bande dessinée si... on leur avait pas dit, hey, tu voudrais pas faire une BD. Donc en gros, c'est pour ça qu'il y a une BD de Guédré, une BD avec Monsieur Poulpe, avec. Enfin, il y en a plein. Et donc, je suis allé démarcher tous ces gens qui normalement font du spectacle, de la scène, des vidéos sur internet, et je leur ai dit, et si tu faisais une BD, qu'est-ce que tu ferais? Mais le principe d'une case en moins, je veux pas trop m'étaler, mais c'est vraiment de dire, qu'est-ce que tu veux faire, mais. Si t'as pas envie d'adapter ton spectacle, si t'as pas envie d'adapter tes chansons, si t'as pas envie d'adapter le truc qui t'a rendu célèbre, welcome, viens, fais ce que tu veux, parce que je sais que tous les autres éditeurs du marché vont aller chercher quelqu'un et lui dire, par exemple Poulpe, on peut aller le voir et lui dire, fais crac crac en bande dessinée. Oui, voilà. Donc, et là, c'est vraiment pas l'idée parce que moi, on me l'a déjà fait et j'ai envie de liberté dans la bande dessinée, tout ça. Et donc, c'est vrai que quand t'as parlé de ton idée, déjà dans ma tête, je me disais, c'est trop cher, puisque je te vois plus réalisateur que. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je me suis dit, en tout cas, ça ferait une bonne BD. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, bah, allez, go, quoi. Et du coup, on a écrit. Et derrière, on a écrit. Oui, j'ai écrit. Non, mais je veux dire, on a commencé à échanger, en tout cas, sur l'idée. Et on en a parlé donc à Marion, qui travaillait à l'époque. À l'époque, Marion, elle était ma. On était à deux à diriger la collection, puisque moi, je suis plus scénariste. Mais j'y connais pas tant que ça, enfin maintenant un peu plus. Voilà, c'est dans les débuts quand tu commençais, t'avais l'air d'être épaulé. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'ai plus suivi en tant que directeur artistique toutes les bandes dessinées, et elle était là en tant que vraie éditrice. Marion est partie, maintenant c'est Leslie qui l'a remplacée. Voilà, et du coup, nous on a travaillé avec les deux, mais c'est vrai que la rencontre avec David s'est faite grâce à Marion, donc tout à fait. On remplace une pour Marion, puisque c'est quand même grâce à elle aussi que tout ça a eu lieu. La BD, ce qui est marrant, c'est que là j'en parle comme un truc fantastique et tout, mais moi c'est une BD vraiment qui est très personnelle, parce que mine de rien, si vous suivez un petit peu ce que je fais, il y a toutes mes marottes genre sur l'engagement dans le couple, le rapport à la paternité, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça s'inscrit dans une histoire plus grosse. C'est pour ça que tu parles de films hollywoodiens. Oui. Mais il y a un côté de Judd Apatow aussi, quand même. Ouais, même Seth Rogen en vrai, quasiment. Mais moi, l'exemple que je cite quand j'en parlais un peu comme ça autour de moi, c'est. Je fais que citer d'autres trucs que nous, mais en gros, j'en parlais comme. Je voulais que ce soit au film de Spielberg ce que Shaun of the Dead est au film de zombies. C'est-à-dire que c'est pas une parodie, c'est pas une pastiche. Je pense qu'on respecte tous les deux, David et moi, ces univers-là de films extraterrestres, de couleurs chaudes hollywoodiennes et tout. Donc on parodie pas, il n'y a pas genre des extraterrestres, ils sont pas des grosses blagues pouette-pouette. Mais par contre, on joue avec les codes et on s'en amuse dans le respect. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et c'est pour ça que j'ai adoré tes dessins, parce que je trouve que t'enlèves les blagues, c'est une BD sérieuse. Qui est magnifique, quoi. Non, mais moi, je te le dis, enfin, je veux pas te. On va pas s'envoyer des fleurs pendant tout le temps. Ce qui est génial avec le dessin de David. C'est qu'on sait qu'on est dans une bande dessinée, parce que les personnages sont un peu cartoonesques, mais juste ce qu'il faut, et t'as des décors magnifiques, très réalistes, et donc on est vraiment dans ce truc-là où justement, tu peux faire des blagues, et tu peux faire exploser des immeubles, et ça fonctionne. Les deux fonctionnent. Bah ça, c'est le grand truc avec ce genre de style de dessin-là, enfin, faire vraiment un univers et des décors qui soient plus ou moins réalistes et avec des personnages très expressifs. Ouais. Comme ça, on se projette facilement. Enfin, il y a une immersion qui se fait dans les décors, et en plus de ça, on se projette facilement sur les émotions du personnage, tout ça. Et c'est génial, et c'est pour ça que moi j'ai trop kiffé ton style, c'est qu'il y a, c'est à mon petit niveau de scénariste, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de mettre des situations normales où tu mets des personnages déphasés, pas vraiment à leur place. Et c'est pour ça que moi je suis très très fier de j'allais dire cet objet, enfin de cette œuvre quoi, parce que et la couleur. Ouais, la couleur. Oui, on est dans Stranger Things. Hein. Ouais, ouais, vraiment, il y a un petit côté chaud. C'est quand on lit la BD, c'est comme un bonbon quoi. T'es bien, t'es dans les années 80. Ouais, il y a un peu de ça. Bah, c'est ouais. vraiment. Au niveau de l'histoire, on est moins dans Stranger Things parce que, comme je disais, non, pas du tout. Il ouais. y a des mini clins d'œil, mais vraiment l'histoire ne se veut pas. Voilà, elle se veut originale et j'espère moderne en tout cas. Parce qu'elle parle de problématiques d'aujourd'hui. Ah bah là, avec le président, t'es moderne. Ouais, mais voilà, c'est ça. Il y a des personnages un peu fucked up comme ça. Mais oui, effectivement, c'était quand je parlais de hommage à Spielberg, on est un peu là-dedans. Toi, tu t'es un peu inspiré aussi de ces trucs-là, ou t'avais des exemples peut-être même en bande dessinée en tête. Pas en BD. Ouais. Après, en film, bah, je t'avais demandé une petite liste. Je crois, j'avais regardé 2-3 titres. Et c'était des films que j'avais vus quand j'étais plus jeune, et j'ai essayé de rester un peu sur cette image-là, de pas trop me réimprégner en fait en. Pas que ce soit trop frais dans ma tête. Et en cours de route, je me suis remis aussi à regarder 2-3 blockbusters que j'étais passé à côté aussi pour tout l'aspect spectaculaire à apporter à l'histoire quoi. Mais c'est ça que je kiffe moi dans tes dessins, c'est que comme tu disais, effectivement, quand il y a de l'action, c'est de l'action, quand il y a des blagues, c'est les blagues, et quand c'est l'émotion, c'est l'émotion. Et ça, j'aime bien, c'est une BD qui s'excuse jamais d'aller à fond dans ce qu'elle propose à l'instant T quoi. C'est-à-dire que quand on est dans de la comédie, on fait de la grosse comédie. Quand on fait de l'action, c'est vraiment de l'action, mais qui est même un truc que moi j'aimais quand j'étais petit dans les Astérix quoi. Enfin, c'est de la BD comme moi j'en consomme depuis des années maintenant, et c'est pour ça que je suis très fier. C'est j'en parle avec de l'émotion dans la voix, parce que moi, comme je disais, c'est mon premier objet que vous pouvez avoir chez vous quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des trucs digitaux. Pas des moulages de ton sexe ou des trucs comme ça. Ça, c'est. Ouais, l'entreprise a fait faillite en 2017. Non, mais en gros, oui, tout ce qui est. J'ai jamais fait de DVD de bloqué ou des sketchs golden ou de machin et tout. Donc là, c'est la première fois que des gens vont pouvoir avoir chez eux un objet de quelque chose que je raconte. Donc moi, ça, j'en suis super touché. Et je trouve l'objet vraiment chouette, quoi. Enfin, une première BD, bon, ça, pour toi, c'est plus le cas, mais une première BD, c'est. T'as les larmes aux yeux, hein. Quand tu reçois, tu reçois le bébé à la maison, c'est un truc. En plus, quand on est collectionneur, comme nous, enfin, comme je vois autour de nous, il y a plein de livres. T'as des tonnes de livres d'autres gens, c'est ton livre à toi et tu peux le ranger entre qui tu veux. Moi, la première fois, j'ai rangé ma première BD entre Larsenet et Trondheim, tu vois. en espérant être autant vendu qu'eux, tu vois. Mais c'est surtout, je me suis dit, comme eux. Tu ouais, vois, bien sûr. Comme eux. Mais vois. Moi, j'ai hâte d'aller. Tu sais où tu vas la mettre ? Pas encore, j'y ai pas réfléchi. Moi, j'ai pensé au moment où je vais aller dans des librairies et des Fnac. Mais oui. Je me suis toujours dit, je vais foutre ma BD devant d'autres BD. Tu l'as fait, David, toi, lors de la première sortie, ta première BD, elle est traînée dans les magasins ? Traînée dans les magasins, oui. Des copains les avaient mis un peu en tête de rayon. Moi, sachez que le 16 septembre, si vous allez dans des Fnac de Paris ou des librairies, je serai en train de mettre mes BD devant d'autres, devant des Lucky Luke, entre deux Astérix. Voilà, l'idée, c'est de. Et faites-le surtout, faites-le vous aussi. Non mais c'est hyper important parce que il faut payer pour être en tête de gondole. Et nous on peut pas payer pour être en tête de gondole. Mais vous pouvez mettre Oli et l'Alien en tête de gondole. Si vous êtes libraire ou vendeur à la Fnac, n'hésitez pas à faire les petites fichettes. Oui, tu sais, avec coup de cœur. Voilà, n'hésitez pas. Vous mettez un truc que les auditeurs de Floodcast comprennent. Genre vous mettez soit Chamé, soit À mes yeux, une référence à Sardou. Enfin tu vois, des trucs qui nous parlent. Comme ça je saurais que vous êtes un Floodcast. Il n'y a pas de lac de Connemara dans non, cette BD. Non, pas dans Oli et l'Alien. Non mais écris ça. Ouais. C'est dur, la ref à Sardou est dure à c'est faire. C'est dur. Bon alors voilà, donc tout ça pour vous dire que donc Oli et l'Alien c'est dispo partout dès le 16 septembre. Donc c'est-à-dire que si vous écoutez ce podcast, c'est soit dans deux jours, soit dans un jour, soit c'est déjà sorti. Et vous c'est rigolo, c'est le jour de mon déménagement. Bah ouais, écoute. Bah voilà. Bah c'est pour ça qu'on l'a sorti si tard. Ah ouais, et on attendait d'être pile pendant ton déménagement. On est content que tu l'aies remarqué. Elle coûte 17€. Voilà, je le dis parce que je trouve que c'est franchement, elle les vaut. C'est cool. J'en suis vraiment content. C'est la première fois que j'entends un auteur de BD faire de la pub pour sa BD en disant elle coûte 17€ et elle les vaut. Mais non, mais parce que. Je me dis, je suis content. 3 ans de travail, 17€, ça va. Bah c'est ce que je dis, c'est deux menus maxi best-of, ça va. Je trouve qu'elle mérite deux menus maxi best-of par rapport au taf qu'on y a mis. Et donc voilà, c'est dispo partout. Et on n'a pas tué d'animaux. Zéro, absolument zéro. Donc oui, c'est dispo sur Amazon, Fnac, mais bon, si vous pouvez privilégier les petites librairies indépendantes, surtout après. tout ce qui est coronavirus, c'est toujours mieux. Mais on y est toujours dedans, voilà. Hein. Oui, oui, oui, non, bien sûr, après confinement. Après c'est après ça, t'as raison. Oui, oui, c'est vrai. Alors, non, parce que mon chauffeur Uber n'avait pas de masque, il m'a dit quand même, les gens ils se font du pognon hein, en vendant les masques, mais après ils vont se faire du pognon en vendant des vaccins. Et après, il a éternué sans masque et il s'est essuyé avec ses doigts. Et là, je me suis dit, ok, super, je vais peut-être avoir le Covid. Bah, je suis heureux que tu me le dises juste avant qu'on enregistre, en tout cas. Décale-toi d'une chaise. Exactement. Je suis déjà loin. Non, mais oui, effectivement, après le confinement et tout, c'est cool d'aller voir les libraires et de le prendre plutôt là-bas. Mais quand même, sachez que si vous n'avez pas la possibilité de le faire, si vous habitez en Ardèche, voilà. Vous pouvez le commander. Vous pouvez le commander dans tous les deux. De toute façon, dans la description, il y aura des liens à cliquer et tout, etc., etc. Il s'agit du flow de cast. On passe à la deuxième partie, effectivement, puisque quand j'ai dit qu'on allait parler du coup de cette BD, il y a des gens qui m'ont dit, mais comment on fait une BD? Donc comme on l'a dit, toi David, nous la rencontre, c'était forcément plus simple parce qu'on se connaissait d'avant, tu lançais ta collection. Moi j'ai consommé, moi je suis pas auteur de BD, je me suis permis là de faire un écart et j'espère avoir pas trop merdé, mais je suis pas auteur de BD. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment ça se passe? Comment est-ce qu'on va voir un éditeur avec une bande dessinée quand, par exemple, on ne connaît pas l'éditeur, quoi. Moi, j'ai eu la chance de te connaître toi, mais... Donc, c'est à moi, là, peut-être. Oui, puis après, je demanderai à David comment... En gros, n'allez pas voir un éditeur avec une bande dessinée terminée. Ne faites jamais ça, parce que un éditeur, il a envie aussi de mettre son grain de sel, normalement, dans l'album. Que ce soit même, on peut aller même jusqu'au choix du dessinateur. Parfois, l'éditeur, voilà. Parce que des fois, vous dites que votre pote de CM2 il dessine super bien, et puis vous faites faire 96 pages à un gars qui dessine moyennement. Ouais. Vous allez chez l'éditeur, votre histoire elle est chamée. C'est bon, chamée, c'est bon. Ouais, c'est bon, elle est chamée. Et par contre, le dessin, l'éditeur va vous dire par contre, moi je veux bien t'éditer, mais mec, ton dessinateur, on en change. Et là, tu t'engueules avec ton ami d'enfance. Donc faites très attention. Ouais. Mais en gros, pour vendre une bande dessinée à un éditeur, c'est pas très compliqué. Soit vous allez sur les lieux où on peut rencontrer les éditeurs, type Angoulême. Il y en a pas 12 000. Hein. En gros, c'est Angoulême, Blois et Saint-Malo. Lyon BD aussi. Et Lyon BD, effectivement. Bon, avec le Covid, c'est plus 19. Compliqué. Ouais. En plus, j'aurais dû m'en rappeler. Avec le Covid, c'est compliqué. Vous pouvez envoyer des mails et croyez-moi, les gens lisent les mails, hein, puisque la BD qu'on a fait avec Dedo, le dessinateur l'a trouvé parce qu'il avait envoyé un mail à Marion avec un PDF. Hein, et ça marche, ouais. Ça marche. Donc, en gros, vous écrivez un synopsis de une demi-page à quatre, quoi. Vous développez un petit peu une note d'intention si vous avez envie, vous dialoguez 2-3 pages, et par contre là où c'est quand même important, c'est quand même d'avoir 3 pages dessinées si vous êtes dessinateur, pour qu'on puisse voir votre style, votre talent. Et même quand vous êtes que scénariste, attention, je dis l'inverse de ce que je disais plus tôt, c'est vrai que c'est bien d'avoir à montrer une bande dessinée avec déjà des dessins. Mais pas toute la BD. Voilà. Pas toute juste la BD. Quelques dessins juste, pour voir le style. Juste 3 pages pour qu'on puisse dire au dessinateur au dernier moment, non. Ouais. Voilà, voilà. Et tu t'engueules avec lui 1 an, pas jusqu'à c'est la ça. Fin des temps. Voilà. Et après, on envoie l'éditeur, et après l'éditeur revient vers vous ou pas, ou vous recevez un truc déjà préfet avec vous n'êtes pas dans la ligne éditoriale la fameuse. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs je rebondis sur ce que tu dis, parce que même si effectivement te connaissant ça m'a permis d'aller un poil plus vite pour me dire je réfléchis, si Delcourt n'aimait pas la BD, elle ne se faisait pas. C'est-à-dire que j'ai quand même dû, avec David, on a quand même dû monter un dossier avec tout synopsis. Et moi, vous n'êtes pas payé. Et on n'est pas du tout, non bien sûr. Ça. Le monde de la BD, alors, t'as dû en faire plein des 3 planches qui menaient nulle part. En vrai, pas tant. Ah, ça va. Ouais, ça va. Mais tu connais. Oui. Oui, donc tout ça, oui, forcément, c'est votre sueur et c'est votre merde. Ouais. Donc, en gros, tu fais ton synopsis, tu fais tes 3 pages en dessin. Effectivement, je suis directeur de collection, mais je ne suis pas l'éditeur. Guy Delcourt, c'est le grand éditeur et c'est lui qui décide de tout ce qui est édité chez lui. Donc, même si moi, je kiffais l'album, même si Marion kiffait l'album, on est obligé d'aller dans le bureau de Guy Delcourt, de lui montrer vos 3 pages, le scénario, de vous vendre en disant... Moi, j'avais fait une note d'intention. Moi, j'avais fait une note d'intention de mes références, de ce que je voulais faire avec cette BD. Moi, j'avais très peur du syndrome BD de YouTuber, que je ne critique pas du tout, mais qui peut être mal vu des éditeurs. Je le sais parce que ça existe aussi en télé. Ou recherché par certains éditeurs. Oui, voilà. Mais en l'occurrence, Delcourt, je sais qu'il faisait super gaffe à ça. Et parce que je sais que ça existe aussi en télé et en cinéma, où quand quelqu'un d'internet veut faire quelque chose, on a tendance à dire, ah, alors attends, est-ce que t'as vraiment envie de le faire, est-ce que tu as vraiment une histoire à raconter ou est-ce que bon bref. Et donc moi je sais que j'avais fait une note d'intention parce que c'est pas du tout une BD de Flaubert avec ma tête en gros sur la couverture. Non, moi l'idée c'était de vraiment faire un album où que des gens qui passent devant exactement comme je disais à la Fnac se disent oh elle est belle la couve, feuillette smart, et se disent je la prends. Je voulais pas du tout enfin ça déjà... c'est l'idée de la collection en tout cas, c'est ouais. Vrai, c'est vraiment de se dire que l'album va intéresser des gens qui ne connaissent pas le scénariste ni le dessinateur. L'idée c'est de faire une bande dessinée cool à lire. Et après c'est peut-être la surprise, c'est oh tiens ah c'est Flaubert mais je l'avais vu chez Golden Moustache. Voilà, c'est ça. Non mais voilà. Ou écouter le podcast et dire bon du coup ouais. je vais l'apprendre. David, quelqu'un demande est-ce qu'il y a des pièges à éviter pour les jeunes auteurs, les jeunes dessinateurs qui envoient leur premier projet à un éditeur. Donc on a parlé un peu d'écrire ouais. la BD en entier, mais est-ce que toi il y a des choses où tu te dis faut peut-être plus faire comme ci, faut pas faire comme ça. Alors quand tu montes un projet, faut pas faire une histoire où tu as trop de private jokes. Parce que ça c'est un truc quand on est jeune, on a tendance à faire ça dans des. Tu mets tes copains. Dedans. Voilà, dans ouais. les diplômes étudiants ouais. aussi, il y a beaucoup ce genre de choses là. Il me fait penser à un truc. Attention, ne pas faire une bande dessinée qui a 120 tomes. Tu n'envoies oui, pas à un clairement. Éditeur. Tu n'envoies pas un éditeur en disant. Alors bon, c'est une histoire. Bon, on commence par 3 volumes, mais c'est une préquelle. Ouais. Et là, non. Un et album, ça web série aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Un album. Ouais. Déjà, vends-le à ton éditeur, vends-le au public, et après, on te demandera peut-être de faire une suite. Tu gardes la petite option déclinable ça. Sur un album. Exactement. Pardon. Non, mais c'est ce qu'on a un peu fait ouais, d'ailleurs, ouais. Enfin, sans trop en dire. Ah bah... Nous, Oli et Lalienne, c'est une histoire qui se termine, mmh. c'est-à-dire que quand vous l'avez fini, l'histoire est terminée. Il faut peut-être le dire, oui. Oui, c'est, y a pas besoin, y a pas de tome 2 ou tome 3 prévu du tout. Sachez que ça n'a même pas été en discussion, mais. Il y a des petites portes à droite à gauche si jamais parce que si vous êtes beaucoup allé l'acheter voilà peut-être qu'on pourra remettre le couvert, on remettra le couvert puis ensuite le film avec vraiment Seth Rogen en tout cas c'est un projet sur 20 ans qu'on a voilà mais non mais oui c'est vrai en plus t'as entendu Seth Rogen, oui ça c'est rigolo pour la petite anecdote, oui je te l'ai pas dit David d'ailleurs mais c'est j'ai écouté un podcast de Seth Rogen donc ça fait très longtemps que je dis même je me souviens dans les refs je t'avais envoyé, on en parlera tout à l'heure mais je t'avais envoyé des visages que j'imaginais pour les personnages pour que t'en fasses une version un peu BD à ta sauce. Je disais voilà le héros dans ma tête c'est une sorte de Seth Rogen et je l'ai toujours pensé comme ça parce que je pense que c'est mon équivalent américain physiquement tu vois et donc du coup je me suis toujours dit ouais c'est une sorte de Seth Rogen et là j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps où l'animateur lui dit alors vous avez eu des idées de films que vous avez jamais concrétisées. Et il dit, ouais, alors il y avait une histoire où les extraterrestres débarquaient sur Terre et ils jugeaient toute l'humanité sur un seul mec, et ce mec, c'était moi. Et je fais, waouh. Et je panique, parce que je me dis, oh putain, est-ce qu'il en a pas parlé avant. Et tu sais, des fois, t'entends un truc. Oui, ça reste dans ta tête. Ça reste dans ta tête, mais tu sais plus d'où, et d'un coup, en fait, tu dis, ouais, bah, c'était mon idée, en fait, pas du tout, ça existait déjà. Et heureusement, non. Vraiment, il l'a dit pour la première fois ici et tout, donc heureusement. Mais ça m'a amusé quoi, je me suis dit bon bah c'est que cette histoire elle je dirais pas qu'elle coule de source mais elle a du sens. Voilà, c'est ça, elle parle à des gens quoi. Mais d'ailleurs parlons de ça, parlons de la façon dont on a travaillé ensemble parce qu'en fait ce qui est rigolo c'est qu'on s'est très peu vu en fait. Ah oui, non, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois qu'on se voit parce qu'on a fait que parler par mail, mais alors des boucles de mails, vous imaginez même pas, j'imagine que c'est comme ça tout le temps, mais c'est vraiment des boucles de centaines de mails. On arrivait à un moment où même Gmail plantait, c'est-à-dire que d'un coup je pouvais plus envoyer des mails à Leslie et tout, donc il fallait recréer des boucles de mails tellement... Des reboots. Oui voilà, tu dois rebooter tes boucles de mails. Comment ça fonctionne? Alors il faut le dire, les différentes étapes, est-ce qu'on peut parler de ça, de crayonner tout ça? Oui. Bah, une fois que l'histoire est faite, que les profils des personnages aussi ont commencé à vraiment émerger, qu'on connaît vraiment les caractéristiques. T'as fait ce petit dossier de recherche d'ailleurs, peut-être même avant ça. On peut parler oui, de ce oui, truc. Même avant le dossier à présenter ouais. aux éditeurs, j'ai fait plusieurs propositions sur les personnages principaux et puis 2-3 secondaires qui étaient un peu qui restaient importants. Et l'alien. Et l'alien qui oui, était chaud, qui était le plus de là où on a le plus taffé, j'ai l'impression. Ouais, puis il y avait un peu la pression aussi parce que ouais. L'image de l'alien elle a quand même été faite un milliard de fois. Et puis des pistes de recherche graphique aussi parce que je me souviens que Marion elle m'avait parlé d'une BD que j'avais fait qu'elle t'avait montré qui t'avait plu en termes de dessin. Du coup je voulais rester un peu dans cet esprit là. Et voilà, donc on commence par une recherche graphique. Voilà. Recherche graphique, recherche d'univers. On échange là-dessus. On échange là-dessus, on se met d'accord sur ce qui est bon, ce qui est pas bon. Je me souviens pour l'alien, au début j'étais parti sur une forme un peu Vénus. Oui, c'est Vénus ça. Vénus préhistorique pour la maternité, tout ça. Exactement, même plus genré, ce qui est un truc qu'au final on s'est un peu éloigné parce que c'était important même pour l'histoire. Au fil de l'écriture, parce qu'il faut aussi savoir que quand t'as commencé à écrire, quand t'as commencé à dessiner, c'était écrit mais c'était pas def encore. Parce qu'après, il y a encore des petits trucs. Moi, on en reparlera plus tard, mais moi j'ai tendance à retoucher les dialogues jusqu'à une semaine avant d'imprimer. Enfin, j'ai toujours envie de retoucher les petits trucs. Mais effectivement, on a décidé de pas vraiment genrer l'alien à ce moment-là aussi. Et ce qui est vrai, ce qui est dur à faire, c'est qu'en plus, il faut marier des humains avec un alien, il faut que ça ait du sens, quoi, et que ça peut vite être pas bien se marier, quoi. Oui, vous aurez une unité graphique en fait pour tout ça. Derrière ça, c'est validé par. On a fait ce petit dossier, donc validé par Guy Delcourt, du coup, où tu avais quand même dessiné trois pages. Trois pages finies. Je crois que tu avais fait plusieurs storyboards. Il y avait trois séquences différentes. C'est ça, c'était des séquences, pas vraiment des pages. Et je me souviens, on s'était dit, il faut une action. Ouais. Une comédie et une un peu émotion, un peu dialogue. Oui, voilà, c'est ça. Et il fallait montrer toutes les couleurs de l'album. Ouais. Exactement. Et derrière ça, tu fais ce travail titanesque où moi, à ce moment-là, j'ai juste à être une diva qui dit oui, ça non. à savoir, tu fais plein d'étapes, parce qu'en plus, il faut dire aussi que tu encres, tu colories, enfin, tu fais tout seul. Ouais, là pour le coup, j'ai tout fait tout seul sur le dessin. Donc, ouais, je commence avec ce qu'on appelle un rough. Donc, c'est vraiment une composition rapide de la planche qui fait genre, je sais pas, 5 cm par 3 pour vraiment placer un peu les grandes cases, le sens de lecture fait, tout ça. Ensuite, j'agrandis ça et je le redessine un peu plus clean pour faire des storyboards en fait, que je vais vous soumettre après, donc aux scénaristes, aux éditeurs. C'est là où il y a le plus d'échanges, disons, parce qu'en gros, c'est là où tout peut être réinventé encore à ce moment-là. Ouais, justement, il faut que ça arrive assez tôt dans le processus pour éviter de faire trop de travail pour rien. C'est là où des fois on peut dire, je crois que c'était un peu le cas, je crois qu'une fois on a dit, mais il faudrait inverser ces deux cases peut-être, ou des choses comme ça. Oui, sur une verticale, une horizontale, ouais, ça circulait pas très bien. Ouais. Parce qu'on a, pour que le sens de lecture soit fluide ou des choses comme ça, quoi. Bien sûr. C'est très important. Hein. Oui, il faut faciliter le regard Partez du lecteur. Partez pas à faire une BD directe sans avoir fait votre storyboard d'abord. Ah non, c'est très réfléchi. Moi, je compare vraiment ça au travail avec un. J'ai beaucoup écrit pour des réalisateurs et c'était vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un réalisateur qui écoutait son scénariste. C'est fou quand même. Mais c'était vraiment ça. C'était de dire, moi, je veux raconter ça, mais j'avais des idées de plans, de trucs, mais c'est vraiment toi qui as imaginé des mises en scène, des trucs. Enfin. Tu me coupes hein, si je dis des bêtises. Des fois, je peux être très précis et des fois, c'était non, moi je te fais confiance, montre-moi. C'est ça qui est cool en fait. Parce que du coup, quand t'es dessinateur, t'es vraiment au service de l'histoire et du coup, du propos que le scénariste aussi avait avant imaginé pour les personnages, tout ça. Et oui, tout le jeu, c'est d'arriver à trouver ton espace de liberté là-dedans, en fait, de pouvoir proposer des choses autant que tu peux pour te faire plaisir, tout en respectant l'histoire et la vision du scénariste de base, quoi. Et le scénariste, moi je sais, j'ai déjà bossé avec des dessinateurs, donc j'écrivais le scénario. Des fois, tu reçois des trucs, c'était exactement pas ce que t'avais dans ta tête, mais c'est bien mieux. Et donc tu fais, waouh, ah ouais, et là tu relis ton album. Mes BD que je dessine, je vais pas les relire, y a aucun intérêt. Par contre, j'arrive plus facilement à relire des BD qui ont été dessinés par d'autres parce que je suis surpris par la mise en scène, je suis surpris par certaines choses que je n'avais pas écrites mais qui sont là parce que le dessinateur y a pensé. Mais typiquement des gags un peu visuels que moi maintenant j'adore, qui n'étaient pas forcément pensés. Alors je ne vais pas te donner d'exemple pour ne pas spoiler la BD, mais c'est vrai que moi c'était beaucoup des dialogues, beaucoup des blagues de situation et des blagues de dialogue, et c'est vrai que t'as amené un humour visuel que parfois j'avais pas, évidemment, sur les ganaches, sur les grimaces, sur les trucs comme ça, et ça, moi, j'ai kiffé de ouf, quoi, ce genre de choses, je trouve que ça marchait très bien. Donc ensuite, une fois qu'on est d'accord sur les storyboards, tu fais ce qu'on appelle l'ancrage. Que j'ai une étape de crayonné d'abord. Excuse-moi, oui, bien sûr, bien sûr. Si je fais un ancrage trop rapide, je mets plus de temps, parce que le dessin sur lequel je m'appuie pour faire l'ancrage, il est pas assez juste. Ouais, mais simplement. D'autant plus que quand tu bosses avec quelqu'un comme moi qui écrit sa première BD, parfois le storyboard m'aidait plus à visualiser que le crayonné, pardon, m'aidait plus à visualiser que le storyboard. Donc parfois même je te demandais de faire des petits changements alors que t'es déjà à l'étape de crayonné. Oui, bon, c'est après. Non, mais je veux dire, c'est pour dire que parfois, moi j'avais du mal parfois à me projeter. C'est un travail que je pense quand t'en es à ta 5e, 6e BD, c'est très facile, mais c'est vrai que moi j'avais des fois, quand tu faisais le crayonné, je faisais, ah ok, d'accord, je voyais pas ça exactement comme ça, et du coup on discutait derrière. Voilà. Les crayonnés, ensuite ancrage. Ensuite, ancrage, ouais. Et puis tu travailles informatiquement, peut-être. Ouais, on va le rappeler tout, hein, quand même. Tout du digital, donc toute la partie dessin va se faire sur Clip Studio Paint, un logiciel très très cool. Ah oui. Ouais, avec un super outil Perspective. Ah oui. Qui est très pratique. Tu mets ton petit point de fuite. Après, dès que tu fais un trait, ton trait juste. C'est absolument. Je connais pas. D'accord. Et justement, pour faire des décors qui soient très réalistes et qu'on puisse vraiment se mettre dedans, c'était important d'avoir cet outil-là, en fait, parce que sinon je m'amuse un peu moins à faire des perspectives réalistes, je préfère faire des assemblages chiants, de plans, tout ça. Bah, c'est très technique et un peu relou. On fait pas de la BD pour faire de l'archi. Exactement, exactement. Sinon, on ferait des maisons. On serait plus riches. Ça, après, c'est le truc marrant aussi avec la BD, parce que tu fais. Quand tu fais une BD, tu fais du design intérieur, tu fais du design d'objet, tu fais un peu tout. Quand tu construis un univers, tu fais un peu tout, et c'est ça qui est très cool aussi. Et donc derrière, alors on peut avoir quelqu'un qui le fait, mais toi c'est toi qui l'as fait sur celle-là, c'est tout ce qui est couleur et lumière, quoi. Ouais, parce que ça. Et quel talent. Ouais, moi là je trouve que la BD a pris à ce moment-là. Ah ouais. Non, tu dessines super bien, mais la colo rajoute un truc. La nostalgie, on lit de la nostalgie grâce à tes couleurs. En vrai, c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir quand je fais de la BD, c'est qu'il y a vraiment le côté. En plus, ça arrive sur la fin du processus de l'album, parce que je bosse vraiment, je fais tous les crayonnés d'un coup, tous les ancrages d'un coup. Ça, déjà pour avoir une unité de dessin et pas être plus performant sur la fin de l'album que sur le début de l'album, parce que des fois, il y a des différences de niveau de dessin quand on fait des one-shots comme ça qui sont assez visibles. Et la partie colo, c'est vraiment le moment un peu de détente. Où juste je visualise mes couleurs, mes ambiances, tout ça. Alors j'ai eu un peu d'aide sur les aplats d'Emine Rang qui était auvernaise. D'accord. Qui m'ont préparé les couleurs en fait. Et ensuite, après, voilà, je fais les lumières, les ombres. Et pour ça, je m'inspire beaucoup de la photo argentique. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une profondeur de champ qui n'est pas du tout la même que sur du numérique. Et il y a un côté où tout le développement et de la façon dont l'appareil capte la lumière qui t'ambiance les couleurs assez vite, en fait. C'est moins ciel bleu, herbe verte, comme tu peux bien sûr. Comme avec du numérique, du coup, ça adoucit vachement. Et puis beaucoup de films aussi. Dès que je vois des belles couleurs, je fais des captures d'écran. Et puis après, je m'inspire un peu de ça. Mais surtout que là où je suis super content en plus, c'est qu'il y a dans les scènes, il y a un côté presque théâtre dans la BD, vu qu'on passe souvent d'un décor à un autre et on revient pas spécialement dessus. Enfin, c'est ça que moi c'est ce que j'aimais bien dans l'histoire. Ce qui est la grosse différence avec Hélène et les garçons. Ouais. On revenait assez souvent dans la cantine. Très peu de scènes de cantine. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi. J'ai adoré la couleur parce que, et je le dis vraiment sans. Enfin, c'est parce que c'est toi qui l'as fait et j'y suis absolument pour rien. J'ai vraiment adoré la couleur de la BD parce que tu te diriges vraiment vers la fin de l'histoire. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très bien pensé par rapport à ce qui est raconté et tout. Tu vois, ça s'assombrit vers la fin, donc tu sens que ça devient un peu plus sérieux. Enfin, ces choses-là, j'ai trouvé que c'était super bien pensé, quoi. Bah, c'est un point important qui te rajoute des éléments narratifs, en fait, parce que la couleur, ça raconte beaucoup juste par elle-même, que ce soit le lieu, l'heure, tout ça. C'est des. Ça... Ah, bah, t'es très fort en soleil couchant. T'es très, très fort en soleil couchant. C'est bien. Et en même temps, c'est magnifique. Ambiance de prédilection. Ouais. On me demande à moi comment passe-t-on du scénario de sketch ou de film à du scénario de bande dessinée. Alors, ce qui peut paraître un peu technique, mais ce qui est intéressant, puisque Davy pourra le dire, moi à la base, c'était un immense bordel en termes de scénario, puisqu'en fait, j'écrivais par case. Je disais, voilà, dans telle case il se passe ci, dans quelle case il se passe ça. Sauf que je faisais ça de la première case à la fin de l'histoire, c'est-à-dire que je ne pensais pas en pages. J'ai eu un moment d'angoisse en lisant ton premier document. Alors je sais que t'es un très bon scénariste, donc j'ai pas eu plus peur que ça. Non, c'est la mise en page. La manière dont tu avais... il y avait combien de cases? Bah du coup, il y avait case 237, case 238. Et tu vois, et donc forcément, pour les gens qui font de la BD, c'est illisible parce que c'est tu illisible. Dis page 1, case 1, 2, 3, 4, 5, 6, page 2, case 1, 2, 3, parce qu'il y a des plus grandes cases, bon, etc., etc. Sauf que moi, ça, je ne savais pas. Mais avec le recul, c'est évident, ne serait-ce que même pour travailler tes effets. Moi, c'est le truc que j'ai appris en écrivant une bande dessinée, c'est travailler tes effets sur quand est-ce que tu mets les infos. Typiquement, des surprises de la BD qui arrivaient en bas de la page de droite, sauf que quand tu tournes la page, bah ton œil est attiré par les trucs un peu marquants du dessin. Donc s'il se passe un peu un truc de ouf en bas de la page de droite, ils vont passer vite sur la page de gauche et vouloir voir ce qui se passe en bas de la page de droite, ce qui est évident hein, pour les auteurs de bande dessinée. Mais c'est vrai que moi qui n'en avais jamais écrit, je me suis dit mais oui, c'est complètement surtout logique, surtout la grande page. T'as une grande page avec une explosion, il faut qu'elle soit au dos de la page que t'es en train de lire pour que quand tu retournes, t'es la surprise de l'explosion. Exactement. C'est extrêmement important. Mais ça, en fait, on n'a fait qu'une réunion. Je me rappelle, on s'était vu à Bercy. Oui. Et toujours l'UGC Bercy, parce qu'on en parle souvent dans ce podcast. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'adore écrire à l'UGC Bercy. Donc c'était à l'UGC Bercy. C'est l'UGC Bercy. Et juste, on a repris tout ce que t'avais écrit. Et je t'ai dit, bon, bah déjà, par page, déjà, et voilà. Et après, c'est vrai que c'était très simple. La grammaire de la bande dessinée, c'est une information est importante, la case est grande. Ce qui se passe est très rapide, la case est petite. Ouais. Déjà, on prend ça en tête. Et la surprise, elle est au dos de la page que tu tournes. Déjà, quand t'as ça, t'as déjà un bon début de grammaire de bande dessinée, quoi. Et tu l'as pigé hyper vite parce que tu lisais des bandes dessinées. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'était la première. Alors, je dis tout le temps la première. J'avais participé à un petit truc pour Dupuis, mais en vrai, c'était ma vraie première BD. Oh, et... ne nous mets pas une disquette. Oh, bah écoute, j'en ai mis pas mal à la BD, tu sais, moi et mes potes de YouTube. Mais non, mais donc j'ai appris ce truc-là, sachant que l'autre truc aussi, c'est que. Quand j'ai écrit, on commençait à savoir que c'était David qui allait le faire. Du coup, je me suis un peu aussi laissé kiffer sur les grandes pages. Moi, j'adore ça dans les. C'est un truc plus dans les comics, j'ai l'impression. Ouais. Où d'un coup, t'as une grande page et juste il y a de l'action, des choses. Enfin, il y a pas forcément besoin de lire et juste c'est beau à voir, quoi. Et ça, c'est vrai que je me suis laissé kiffer à ça. Et en tant que dessinateur, c'est cool à faire ces trucs-là. C'était aussi. Kiffant, oui. Oui, carrément, oui. Bah, surtout que c'est le. C'est très dialogué l'album. Du oui, coup, oui, il y a beaucoup de chat. Il y a beaucoup de dialogue. Et ça faisait du bien, justement, de temps en temps, pouvoir prendre vraiment une pleine page ou des grandes cases et faire plaisir avec la compo, le décor, tout ça. Non, puis ouais, effectivement, à rédiger, c'était super cool. Et effectivement, moi, c'était ma première BD, mais je sais que j'avais des petits effets que j'aimais bien. Genre, je t'en ai mis 3-4 dans la BD, par exemple, pour les gags où. Il y a la même case, mais le dialogue change ou les trucs comme ça. C'est vrai que moi, j'adore ça. Les cas, une case de silence et juste après une petite réplique. Enfin voilà, ça, c'est les trucs que tous les dessinateurs ne savent pas le faire. Oui. Moi, j'ai travaillé avec un dessinateur sur une BD. J'avais mis ces répétitions, ces gags de répétition visuelle. Et il me dit, j'y arrive pas. Ah. Et je lui dis, mais si, c'est facile. Et il me l'a montré, il l'a fait. Et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et je ne comprenais pas. Je pense qu'il voulait pas faire un copier-coller. Donc il voulait redessiner, mais il redessinait pas pareil, et donc ça ne marchait pas. Et donc au final, bah, j'ai abandonné ces blagues-là avec lui, et on a fait autre chose, et ça fonctionnait. Hein, mais c'est vrai que ça marche pas tout le temps. Bah, surtout que dans un album qui fait quasiment 100 pages, ça fait quand même du bien de temps en temps d'avoir une case que tu peux juste dupliquer sur le côté. Ouais, la petite mort, c'est que ça. C'est 96 pages de case dupliquée. Non mais en tout cas c'est vrai que ça c'est un travail qui a pris un peu de temps, mais en fait ce qui est cool c'est que t'as quand même très vite compris le ton et ça y a pas eu de nous on n'a pas eu ce souci là hein, franchement oh non en tout cas j'ai l'impression que tout le monde du début ouais à la fin, méga fluide. Tout le monde a compris l'univers alors que c'est un univers que t'as quand même inventé enfin je veux dire ouais. Même si on a des bases dans le cinéma des années 80 etc ouais. T'as quand même créé énormément de choses, je crois qu'on a tous pigé tout de suite où tu voulais aller. Tes dialogues étaient très clairs, enfin moi je suis tombé amoureux du président mais alors, direct oui, peut-être encore une fois on va pas spoiler les trucs pour expliquer un petit peu en gros il y a un héros qui est donc Oli, il a deux amis avec qui il travaille et il y a effectivement toute une sous-intrigue parce que je l'ai vraiment écrit moi de mon côté comme un ça suit vraiment des bases de films effectivement c'est un long métrage de blockbuster puisqu'il y a des intrigues secondaires qui rencontrent la première intrigue naninana et effectivement il y a pour moi, les films d'extraterrestres, il y a surtout plus dans les années 90, pour le coup, que les années 80. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est le gouvernement est forcément impliqué. Il y a un président qui conduit un avion à un moment. Quoi. Voilà, c'est ça, comme dans Independence Day. Et nous, et moi, je me suis dit, j'aimerais bien que ce soit avec la politique flinguée d'aujourd'hui. Ce serait marrant, eux, que ce soit les héros des présidents des années 90. Où voilà, on n'est plus dans cette image un peu stylée du président, quoi. Et donc du coup, c'est cette rencontre-là qui nous vient. Après, c'est pas une parodie de Trump, c'est un peu inspiré, mais il y a aussi beaucoup de George W. Bush. Mine de rien, il y a un truc avec les tweets, donc ça, forcément, c'est très Trump. Non, on est sur du président de merde américain. Oui, voilà. Vas-y. Dans la grande largeur que ça peut présenter. C'est ça. Voilà, exactement. Donc oui, et lui, c'est un personnage très débile. Moi, j'adore les abrutis finis. Et ça fait plaisir. À un moment, il disparaît un peu dans l'histoire. À un moment, on le revoit, oui, tout oui. ça. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois, c'était un grand kiff de le revoir et un grand kiff de lire ses lignes de dialogue. Oui, oui, là, oui. Là, on est dans du théâtre. C'est de la punchline sur de la punchline. Ça, c'est bon. Ouais. Ouais, bah, c'est gentil. Bah, ouais. Écoute, en tout cas, c'était l'idée. Moi, j'aime bien dans ces films-là. la grande galerie de personnages. Dans Independence Day, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que dans Independence Day, t'as le président, t'as un mec qui conduisait des avions jeunes mais qui les conduit plus. Même Mars Attack, tu regardes, il y a 40 personnages dans Mars Attack. Et donc, je voulais qu'on s'inscrive un peu dans ce truc-là. Mais d'ailleurs, ça, on peut le dire aussi. C'est-à-dire que c'est une bande dessinée, je pense, qui est grand public. Mm-hmm. De temps en temps, il y a un peu des gros mots et il y a un peu de sang. Mais je pense que si. Pour moi, je me souviens, je sais pas si tu t'en souviens, David, mais je parlais des Simpson Horror Show. Pour moi, ouais, c'était un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est pas gore, c'est pas South Park, c'est pas Rick and Morty. Parce que je comprendrais qu'on compare, vu que maintenant c'est le truc de SF Comics et Rick and Morty. On n'est pas du tout là-dedans. Mais de temps en temps, on se permet des petits pas de côté. C'est ça. Moi, c'est une BD que j'aurais kiffé. Je pense que, quel que soit votre âge, vous pouvez la lire, mais j'aurais kiffé la découvrir à 12 ans, je pense, ou à 11 ans. Tu vois, il y a un peu un côté, un petit côté transgressif. Goonies, exactement. Un côté Goonies, c'est-à-dire qu'un petit peu violent, mais pas trop. Et avec des blagues où tu les comprendras. Tout ce que je raconte sur le couple et tout, effectivement, si tu l'as pas vécu, c'est peut-être plus difficile à comprendre. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire, j'ai l'impression, c'est que ce soit une grande aventure pour tout le monde. Mais que si t'es dans mes âges, normalement tu vois un peu les sous-textes et les trucs comme ça sans que ce soit trop relou à lire dans l'intrigue, quoi. Oui, parce que je dis que ça fait 3 ans qu'on a commencé. Après aussi, voilà, faut dire ce qui est, c'est pas 3 ans intensifs et pour David et pour moi, puisque moi déjà quand c'était écrit, comme je le disais un peu plus tôt, c'était toi qui as fait le plus gros du travail, qui a fait tout le travail même, et moi j'avais juste à dire ce que j'aimais, ce que j'aimais moins. Et puis 3 ans parce que t'étais sur une BD Oui, c'était ça, il y avait une mauvaise synchronisation des. Ça, des puis moi pionniers. Aussi, hein, j'avais mes trucs à côté, donc du coup c'est ça qui a mis du temps. Je veux pas vous faire croire qu'on a passé 3 ans tous les jours à la retravailler, on a beaucoup travaillé dessus, mais voilà. En vrai, une BD, je dirais, c'est 9 mois de travail. Si tout le monde est là, dispo et n'a que ça à faire, c'est 8-9 mois de travail, je dirais. Il y a peut-être un mois de boulot pour le scénariste et puis le reste pour le dessinateur, à peu près. Sachant qu'en plus, tu faisais tout, parce qu'il peut y avoir des trucs où genre une partie est finie, donc peut-être que ça peut commencer à ancrer, tout ça. Si on avait eu un coloriste, peut-être que ça serait allé plus vite, puisque dès qu'il finissait une planche, le coloriste aurait pu travailler dessus. Ouais. Mais ou pas, parce que j'aurais pu être très relou sur les couleurs. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté homemade, quoi. C'est pour ça que j'étais content que tu fasses et la lumière et tout, parce que du coup, c'est vraiment. On n'était pas beaucoup à travailler dessus, quoi. Je vais lever le point 2 secondes, et c'est juste pour dire que la bande dessinée est aujourd'hui un art qui est encore un art très très libre. C'est-à-dire que il y a peu de gens qui passent derrière le scénariste, derrière les auteurs, pour retoucher l'album. C'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est vraiment encore des choses, effectivement, comme tu disais, homemade, c'est 4 personnes. C'est 3 personnes qui bossent sur une œuvre que tu vas pouvoir lire chez toi. Et normalement, c'est pas influencé par l'éditeur, par l'éditeur du dessus, etc. Et c'est dans la bande dessinée, aujourd'hui, on peut encore avoir des choses, des perles. Parce qu'au cinéma, c'est forcément une armée de personnes qui ont retouché ton truc. Même YouTube aujourd'hui, c'est une armée de personnes qui retouchent. Les enjeux économiques sont plus gros. Sont différents. Voilà, ouais. C'est pour ça, on est pauvre, mais on est libre. Mais je me souviens, j'avais fait des fiches perso. En fait, j'avais fait des fiches, même dans le dossier qu'on avait donné à Guy Delcourt, j'avais fait une fiche pour chaque personnage. Donc, les deux potes, Oli, le président, l'alien. Et je me dis, c'est sûrement ça aussi qui a dû t'aider un peu. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu. Enfin, moi, jamais, quand j'ai lu ton travail, je me suis dit, ah merde, là, c'est à côté et tout. Non, des fois, on rectifiait un peu des trucs, mais ce qui est normal, mais jamais j'ai eu l'impression que c'était complètement à côté, quoi. C'est à ça que sont utiles aussi les 3 pages au tout début de création, puisque c'est là où on se découvre, où on se dit, ah putain, ça c'est bien fait, donc du coup, quand je vais écrire, je vais appuyer là-dessus, et toi tu te dis, ça il aime bien, donc je peux aller là-dedans, ça c'est super cool. Puis c'est là aussi où vous décidez comment vous allez travailler, comment le scénariste va travailler avec le dessinateur, parce que là, c'est une recette qu'on donne, c'est votre recette, mais en vrai, tous les dessinateurs n'attendent pas la même chose du scénariste. J'ai travaillé avec des dessinateurs qui voulaient, case par case, qu'on indique le décor, etc. Très scolaire. Il y en a d'autres qui viennent souvent de l'école comics américaine où ils ont juste besoin des dialogués. C'est-à-dire que tu fais le nombre de dialogués à peu près que tu penses avoir dans ta page, et eux ils se démerdent et ils font tout le reste. Vraiment, il y a vraiment, il y a autant de manières de faire une bande dessinée qu'il y a d'auteurs et de dessinateurs. Et de projets aussi, j'imagine. Et de projets, qui est différent. Ouais. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est comme ça qu'on fait une BD. David, tu disais un truc assez intéressant au tout début du podcast, quand tu parlais de la façon de travailler, de dire ne donnez pas votre BD finie parce que l'éditeur veut mettre son grain de sel. Plus que son grain de sel, j'ai l'impression qu'il veut mettre aussi sa personnalité, et a des retours extrêmement intéressants. Je disais que parfois Leslie sur les dialogues je lui expliquais, mais en même temps elle a spoté des erreurs en fait, des trucs, parce que c'est vrai que quand elle naît dans la BD pendant longtemps, tu vois elle te dit bah là si la date c'est ça, bah du coup il a 35 ans, il a plus 34 ans, donc du coup nanana, et tu fais ah ouais putain machin, et donc c'est l'éditeur, exactement comme la vidéo, comme le cinéma et tout, c'est pas quelqu'un avec un gros cigare qui te dit non quoi, c'est quelqu'un qui veut faire la meilleure BD possible, et qu'importe ton ego et qu'importe ta personne, enfin l'important c'est la bande dessinée quoi, c'est l'histoire qu'on raconte, et pour le coup que ce soit Davy au moment de l'écriture et derrière avec et Marion et Leslie, moi j'ai adoré bosser comme ça, parce que ça a jamais été dans la contrainte, ça a jamais été dans la, on s'est toujours compris quand les personnes comprenaient pas, on se parlait et tout de suite c'était ah ok d'accord. L'éditeur c'est pas un producteur, l'éditeur exactement. C'est quelqu'un qui vous accompagne en général. Il y a des producteurs qui t'accompagnent, t'es pas oui. tombé sur les plus heureux, mais t'es pas alors je parlais pas du tout, bon peut-être que c'est au fond de moi, peut-être. Ok d'accord, bon voilà, ouais. Non mais bah, effectivement ils nous accompagnent, oui ouais. Oui, et donc après quand la bande dessinée est terminée, et ben il faut tout relire, c'est cette partie là qu'on évoque là maintenant, c'est surtout le boulot que Leslie a fait énormément là sur la fin, relire pour voir s'il n'y a pas des erreurs de dessin peut-être, des fautes d'orthographe, j'en ai laissé pas mal, moi ça je les vois pas donc c'est pas grave. Ensuite aussi on envoie certaines planches test à l'imprimeur pour que vous puissiez être content des couleurs après impression, choisir votre papier. Sur quel papier on va imprimer, est-ce que les couleurs vont être bues ou pas, etc., etc. Il y a tout un travail d'édition, de l'âme pure du livre. Voilà. Et quand vous êtes content des pages, des couleurs, etc., etc., ça part à l'impression. Là, on est dans cette période où vous êtes frustré parce que vous n'avez pas vu la BD imprimée. Oui, c'est vrai qu'à l'heure où on vous parle, où nous on enregistre, on n'a pas encore eu la BD, ce qui est normal parce que. Ce qui est fou parce que la BD sort. Dans une semaine, mais ce qui est parce que avec le contexte actuel c'est difficile, les livraisons, les trucs comme ça, c'est tout est un peu plus empoulé forcément, ouais. Et puis voilà, la BD part à l'impression souvent on vous demande de rendre les planches à peu près 2-3 mois avant la sortie, je dirais. Ouais, et puis après ça part à l'impression, puis après on attend les camions, etc., etc., etc. Et après on est le 16 septembre et c'est disponible. Et vous allez acheter la bande dessinée pour qu'il y ait une suite. Ouais, on aimerait beaucoup. Ouais. Et puis surtout, moi j'ai hâte d'avoir vos retours, quoi, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à faire des trucs où j'ai le retour très rapide, vu qu'il y a des commentaires YouTube, il y a des commentaires sous les podcasts et tout. Là, j'ai hâte de faire mon premier Sens Critique ou Amazon, tu vois, voir les étoiles. Vas-y mec, tu sais que moi, en tant que directeur de collection, j'ai pas de salaire. Hein. C'est sur les ventes. Hein. Ah ouais. Si on en vend deux, t'es c'est triste. 3 ans pour 2 balles. Pour un pourcentage des 2 balles. Ouais, ah oui. Ouais, c'est ça. Non, bien sûr. Non, mais effectivement, n'hésitez pas à vous la procurer. En tout cas, on a plein d'autres histoires à raconter avec ces personnages-là. Où on pourrait aller encore plus loin. En tout cas, moi, je sais que même si on ne sait pas si ça existera, j'ai déjà pensé à plein de choses que j'ai hâte de, enfin que j'espère en tout cas pouvoir. Non, mais caresser. Sans vanne, c'est l'ADN même de l'histoire que vous avez mis en place. C'est clairement un film des années 80, un teen movie vraiment cool avec de l'action, et il y a forcément deux suites. Voilà. Et normalement le 2 sera et donc normalement le 2 sera mieux, mais le 3 sera raté. Enfin c'est si ça, on fait vraiment avec le voyage temporel. Voilà, c'est ça exactement, ouais, on va dans, trop loin. Mais dans un train et c'est nul. Et donc après la BD, fatalement, il y a les dédicaces, et donc nous c'est un petit peu compliqué les dédicaces parce que coronavirus, raison de plus d'ailleurs que vous vous procuriez à fond la BD pour que au moins vous aurez votre exemplaire, et quand on pourra un peu plus se déplacer, on pourra vous la dédicacer, mais effectivement là on n'a pas trop de dates. On a Lyon qui est sûr le 26 septembre. Ouais, 26 c'est ça. Septembre. Moi, à Lyon. J'y serai tout seul aussi le 3 octobre. Ah, trop bien. À la librairie La BD à Croix-Rousse. Super. Et alors, le 26, c'est à Comic Zone à Lyon. On y sera tout l'après-midi dans le respect des conditions sanitaires. Non, mais faut le dire parce que si vous êtes inquiet. Je sais et tout, pas dans lequel respect. J'attendais la suite. Dans le respect des anciens, David. Ouais. Non, dans le respect des conditions sanitaires actuelles. Donc il y aura plexiglas, masque, gel hydroalcoolique. Donc rassurez-vous, ça met une ambiance, hein, je vous le cache pas, mais on sera là. Au début, j'ai l'impression qu'il parlait de DJ. Avec nous, il y aura plexiglas, masque. Non, mais c'est pour vous dire que malgré tout on vient, donc on espère qu'on sera pas tout seul, donc on espère que vous serez nombreux, et on a d'autres dates de prévues, mais vu que c'est pas encore confirmé, vu qu'on sait même pas comment va évoluer la situation, c'est un peu compliqué. Déjà moi je suis trop content qu'on soit pas repoussé, parce que on a reçu un mail pendant le confinement qui disait bah fatalement, vu qu'il va y avoir un embouteillage de BD, nous on est super content de sortir à la rentrée là en septembre, et n'hésitez pas, voilà, vous la procurez, elle est partout, elle est absolument partout, donc n'hésitez pas. Avant de se quitter, j'ai oublié de vous prévenir à l'avance si vous pensez à des recommandations. Est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez Dora l'exploratrice, le film. Tu l'as vu, tu as... Je l'ai vu. Il est tellement bien. Il est tellement bien. Ah ouais. Non mais je regarde Rambo First Last Blood. Ah ça c'est horrible par contre. C'est, bah, c'est maman j'ai raté l'avion 8. Ouais. Où il a trouvé des grenades. Voilà. Moi tu l'as vu en entier. Ouais. Ce qui m'a fait rire c'est que à la fin il y a toute sa maison est piégée. Pour tuer les méchants. C'est maman, j'ai raté l'avion. C'est maman, j'ai raté l'avion, mais tu te dis, mais t'as creusé combien de kilomètres de tunnels seul à 75 ans? Non, mais... Et à la fin, ce qui est vraiment dur, c'est qu'ils te mettent dans le générique de fin des extraits des premiers Rambo. Où tu vois bien. Sa gueule. Ouais, et qui sont bien. Ouais. Donc du coup, c'est vraiment comme si à la fin de Olé avec Gérard Depardieu, t'as des extraits de Cyrano de Bergerac, quoi. Tu vois, non, tu te dis, bah ouais, c'était mieux à l'époque. Le seul truc de bien dans ce film, c'est le titre, parce que c'est vrai que le premier, c'est First Blood, il s'appelle, et le dernier s'appelle Last Blood, c'est une bonne idée. Ouais, mais vu que c'est pas ouf, tu te dis, vous allez sûrement refaire un autre, du coup, il sera vraiment pas ouf. Enfin, ouais. Bon, ouais, voilà. Oh, je pense pas, je pense qu'à la fin, il est pas bien quand même. Bon, non. Bref. Dans une maison de retraite, c'est très stylé. Dans une maison de retraite, oui, il repousse les mecs avec un fusil à pompe. Avec des zombies. Ouais. Mais non, et vraiment, et j'ai regardé ça en me disant, oh là là, la merde. Et Dora l'exploratrice, je me suis dit, on ne peut pas faire un bon film de Dora. Je l'ai mis. Eh ben, on peut faire un bon film de Dora. Il y a une chanson sur le caca. Dora chante le caca. C'est du génie. C'est un bon film. C'est pas un film méga intelligent, mais c'est un bon film. Et c'est pour toute la famille. Ouais. Oui, ouais. Ouais, ouais. Puis il y a plein de second degré. Enfin, elle parle vraiment à la caméra. Ses parents se rendent compte qu'elle est un peu con parce qu'elle regarde la caméra et puis elle dit des trucs. Enfin, c'est donc ça joue avec le concept un peu. Ouais, ah oui. C'est drôle. Non, les scénaristes ont été hyper malins. C'est vraiment, je pense, on leur a dit, les gars, on va faire un film de Dora. Les gens, ils ont fait, mais c'est pas possible. Justement, on compte sur vous. Produit par Michael Bay, hein, quand même. Ah ouais, mais vraiment. Non, mais il est. Je crois que c'est un de mes préférés de Michael Bay. David. En dehors de Dora, le film truc que t'as aimé culturellement, ça peut être n'importe quoi, un film, livre, BD. Alors théâtre. Une des dernières BD que j'ai lues, c'est Carbone et Silicium de Mathieu Babelais, qui est sorti il y a 2 semaines, je crois, qui est hyper cool. C'est vraiment, on suit grosso modo la chute de l'humanité au travers de la relation entre 2 robots. D'accord. Et ça parle de plein de. Et plein tout de suite, vraiment avec ma recommandation, je passe vraiment pour. mais ouais, c'est hyper cool, il y a plein de thématiques super chouettes, les 2 héros ils sont parfaits. Enfin, d'accord. Et oui, donc pareil, dispo partout, librairie, snack, tout ça. Et les dessins sont sublimes. Très bien. Et ben moi, c'est un livre que je vais vous conseiller, mais on n'est pas si loin de la BD, puisque c'est un livre écrit par Fabrice Caro, donc évidemment Fab Caro, star de la BD. Mais il écrit aussi des romans. Alors, il avait écrit Le Discours, qui a été, je crois, qui est un best-seller, enfin, en tout cas, qui a été beaucoup. Je crois qu'il est sorti en format poche. Donc je sais que quand tu sors en format poche, c'est que t'as ton cas. Et Broadway, c'est pas du tout une suite, mais on retrouve vraiment son ton, à savoir il y a un côté très dépressif, mais avec des divagations sur ce qu'est l'humain et avec beaucoup de blagues. Et c'est très drôle. C'est pas son humour, enfin son humour. En même temps, j'ai l'impression qu'il a un humour absurde. Tellement large, mais voilà, c'est un peu moins absurde, mais c'est quand même des observations de la vie. Et moi j'adore les. Il peut vraiment passer 2 pages de tergiversion. Un des premiers chapitres, c'est il compare. Il dit qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour entre ma première lettre que j'ai reçue, qui était une fille qui était amoureuse de moi au collège, et la lettre qui m'invite à vérifier mon côlon pour voir s'il n'y a pas un cancer. Et du coup, il compare les 2 lettres pendant un chapitre entier, donc c'est extrêmement drôle. Toi, je pense que t'adorerais, David. C'est très très drôle. Ah, là, tu m'as eu. Là, et c'est très très drôle et c'est très très bien écrit. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très très fort. Vous n'avez pas besoin de ce podcast pour le savoir, mais. En tout cas, Broadway, ça s'appelle Broadway parce que la vie, c'est pas tous les jours Broadway. et c'est vraiment un super livre. C'est plus triste que Le Discours. Faut être plutôt en bonne forme pour le lire, mais c'est vraiment génial, quoi. Donc n'hésitez pas. Broadway de Fab Caro. Et surtout, parce que tant que vous êtes chez votre libraire à acheter des queutrues, Oli et l'Alien, le 16 septembre, collection Une Case en Moins. Une collection 15 ans moins qui a plein de BD très différentes les unes des autres. Ouais, tout à fait. Un des derniers succès que vous avez eu, c'est quand même la BD de Sophie Lambda. Tant pis pour l'amour, qui est même le plus gros, le plus énorme succès de notre collection. Ouais. Voilà. Mais c'est pour dire à quel point cette collection est large, puisque il y a, si on compare, Ollie et l'Alien à celle-ci, à White Spirit ou la BD que vous avez fait avec Poulpe. Oui. L'idée, c'est d'essayer de faire des choses au sens large, mais surtout en écoutant les auteurs. Ouais. Donc Dedo, il est fan de films d'horreur, il a fait une BD d'horreur, voilà, on vous écoute, on essaie de vous écouter. Et donc voilà, 16 septembre partout, voilà, on s'est tout dit. Merci Parfait. Beaucoup en tout cas les gars, bonne merci journée à tout le monde, bisous, merci. Ciao, merci. Bye. Ciao. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.